Le périmètre de sécurité de Mars, quand même, quoi. En le voyant entre les astéroïdes, etc., quoi. Ah oui, ils sont nourris, les petits. Oui, genre Tax. Entre les lignes, tu comprends que dans un rapport que tu vas lire d'un officier de Starfleet, un peu d'admiration. Non, pas d'admiration, plutôt de genre. Putain, le petit con, quoi. Ouais. Genre, tu vois le premier rapport qui tombe parce que bon, tu sais, mal de bord, nous venons de prendre en chasse des cadets, tu vois le commentaire un peu dédaigneux, genre des cadets, machin, quoi. Et tu vois les rapports suivants, quand putain, où il est passé ce con, donc voilà. Après, j'imagine. Est-ce que la scène de défense de Mars est peut-être aussi un peu lignante, enfin un peu. S'ils sont pas un peu feignants. Il y a dû y avoir une revue des protocoles là-bas. Hein. Bah là ils ont eu un stress, quoi. Ouais, ils ont eu un stress, c'est clair. Il y a 2-3 personnes qui viennent d'être transférées, hein, parmi les chefs de la sécurité de Mars. Puis bon, c'est un peu aussi, tu regardes ce qui arrive de l'extérieur. Alors déjà, tu regardes ce qui arrive de l'extérieur, genre. Ouais, c'est ça. Une navette. Le secteur 001, quelque chose va arriver, quoi. Et puis t'as quelque chose qui arrive entre deux, tu sais, quoi. C'est un exercice. Ceci n'est pas un exercice. Ils sont en train de nous avoir. Donc je m'en rapporte de façon normale, en mettant en référence directement les rapports de l'Enterprise, et je mentionne à la fin que s'il est besoin de rajouter de la véracité, nous pouvons contacter l'amiral. Voilà, juste une référence. Ouais. Nous pensons pouvoir nous faire valider notre expérience et notre témoignage par l'amiral McCoy. Peut-être une référence au message encrypté que tu lui as envoyé. Ok. Juste pour dire quand il y a eu l'abordage, apparemment, dès après l'abordage, il y a un rapport de Zevrig qui a identifié le truc. Il a vu que c'était pas de nous, j'imagine. Hein ? Non, il a identifié le truc, c'est-à-dire qu'il a clairement compris c'était quoi. C'est-à-dire ? Bah, lui a déjà fait référence à ces événements. Ah oui ? Oui. D'accord. D'accord, donc on confirme, c'est tout là. Voilà. Ok, très bien. Bah... Mais on fait quand même à la référence à l'amiral. Oui, bien sûr. Je dis pas ça pour. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a pas besoin de tout et bon. On a besoin de se justifier comme des malades, quoi. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Vraiment, ça faisait des choses qu'il a. Vous pouvez vous douter que. Il a déjà vu quelque part, quoi. Non, il a peut-être pas vu, mais bon, que vu son rôle dans un cadre un peu particulier, il a passé pas mal de temps à potasser beaucoup de rapports de beaucoup de gens, beaucoup de trucs foireux qui sont arrivés à beaucoup d'endroits, beaucoup de circonstances. Et il sait faire les liens tout de suite, quoi. Beaucoup de trucs foireux, bon, il a regardé les histoires d'Enterprise. Il a passé son temps à lire les histoires d'Enterprise. Voyage temporel, voyage dimensionnel. L'entité non corporelle de Jack Léventreur. Ah, mais non, je crois que. Et c'est toujours les mêmes cadets. C'est louche. Toujours les mêmes cadets, c'est toujours l'Enterprise. Peut-être que vous n'êtes pas les seuls, hein, vous en savez rien. On sait où ils vont être affectés, ceux-là, tiens. Bah, je vais voir Macha, Coulon... Il y a plein de rapports qu'ils n'avaient pas accès. Ils vont bien ou ils étaient choqués ou... Ouais, bah tu vas rajouter au traumatisme. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il va voir Coulon. Aller les voir par ceux qui étaient avec nous, mais pas avec nous, du coup. Fais un jeu d'empathie. Non, mais tu peux aller les voir, alors. Quand tu les vois, t'es choqué. Empathie, c'est quoi empathie? Ah ouais, pas beaucoup. J'ai quelque chose? Ah non. Enfin, déjà, ils sont en cyber. Hein. Putain, c'est donc là. Oh, joli 6. Je vais réussir quand même. 14. 14. Ouais. Ok, ouais, t'arrives et tout. T'arrives doucement, ouais, t'attends qu'ils t'invitent à rentrer. Enfin, rentrer, tu vois, t'approcher de. Du coin de chambre de la baie médicale, voilà, tu vas les aborder doucement et... Toi, pas toi, non. De toute façon, je viens avec un visage tuméfié aussi, donc il y a une petite différence. Non, t'as pas de visage tuméfié. Si, je me suis fait déjà. Si, il s'est fait défoncer. Hein. Mais je comprends pas, on était pas physique. Pour moi, on était si, pas physiquement, c'est ce qu'on a. Pourquoi t'as le book alors? Mais non, j'ai jamais eu le book. Là-bas, tu l'avais? Non, c'est les photos. C'est les photos de moi que j'avais vues sur le match. C'est ce qu'on a vu justement avant qu'en fait, on se téléportait physiquement. D'accord, heureusement qu'on s'est pas fait descendre. Ça va. Vous aviez les freins. Allez, ça va. Parce qu'on est arrivé là, on avait quelle fringue alors, pardon? Donc, là-bas, vous aviez les fringues. Donc on a changé de fringue au moment où on est arrivé, quand on était pointé par les blattes. Ouais. Bah, en fait, vous avez porté très en fringue, c'est tout. C'est juste une déportation corporelle. C'est comme ça, c'est tout. Ça va, moi, j'y connais rien, moi, tu sais. C'est eux les scientifiques. Comme dans l'épisode. Moi, je commande sans rien comprendre, et toi, tu pilotes sans obéir. Sans obéir. Donc voilà, donc toi tu fais ça, bon bah il t'explique, enfin je t'explique, Tu vas le raconter direct aux autres ou... Ouais, et puis en fait ce que je veux faire c'est juste déjà dire, genre, présenter mes excuses, essayer de leur expliquer tout ça et de... Pas qu'ils l'apprennent d'une source extérieure ou qu'ils l'apprennent... Pas easy, on leur a déjà expliqué en fait un peu, Zvrik est venu personnellement... détailler... expliquer les circonstances... T'enregistres le son toi en fait. Je voulais faire un test. donc voilà, mais bon, ils sont apparemment, ils sont faits, ils sont faits bien lire et assez bien violentés par Jezar. J'ai connu aussi un peu de. Donc côté... voilà. Sauf que c'était toi, cool. Et Sdrak aussi, surtout. Enfin, voilà. Rentre pas dans les détails, mais bon, tous les quatre, enfin, tous vos alter ego, tous les quatre ont malmené vos amis, quoi. J'essaie de les aider comme je peux. Ouais, mais écoute, ils ont l'air de se détendre, de réaliser que c'est fini, et surtout, et que c'est quelque chose qui est arrivé. Si vous en se défouler, se taper quelqu'un, ils peuvent taper sur Fontaine, ou je sais pas. Donc voilà, vous vouliez faire autre chose? Bah écoute, à la base, j'aurais a priori accompagné de Cadet Dominion, parce que j'avais la même idée, mais il est parti avant. Je suis parti plus tard, je les ai repris. Vu ton jeu d'empathie, tu sais que c'est beaucoup mieux que tu sois arrivé seul. C'est clair. Parce que Géza, quelque part, j'ai pas l'impression que tu apprécies tout ça. Mauvais souvenir. Oui, parce qu'a priori, c'était surtout Géza qui était bourrine, en fait. Non. Enfin, tous un peu, mais... C'est pas Géza qui était un peu bourrine, c'est qu'ils étaient tous très bourrins, mais que Géza... Encore plus, quoi. Voilà, c'est quoi. La chef des bourrins, hein. Je suis quand même curieux de savoir ce que Fontaine faisait. Ouais. À moitié. Pas du tout, en fait. Non, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, je vous laisse imaginer le pire, en fait. C'est fait. C'est pire. Sachant que le temps, ils ont... Enfin, quand ils décrivent ce qui a joué en leur faveur, c'est finalement le temps, quoi, vos alter ego ont été pressés à agir, et n'ont pas loisir de... Et c'est libre de coup, les malmener davantage, quoi. Voilà. J'aime bien la photo de Macha dans le rapport, quand même, hein. Faut tout dire. Je n'aime pas cette photo dans mon rapport. Est-ce que tu mets la photo que t'as dessinée soigneusement avec au doigt et une chez une Barbie? C'est une photo de l'ambassadeur officiel. Ouais. Je vous propose, les amis, de vous joindre à moi pour Facepool. Voilà. Et vas-y, envoie ton rapport, hein, ça va. On est doué en dessin artistique au Crimson. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire d'autres choses par rapport à cela? Non, pour ma pomme, le rapport sera vraiment très similaire à celui de Strack, comme il a été décrit. Mm-hmm. C'est décrire exactement tout ce qui s'est produit, dans les détails, avec juste à la fin une référence donc à... Voilà, au message qu'on a envoyé à Mac, au message qu'il a envoyé que ceci s'est passé, et qu'on aura un message à lui délivrer de la part du Spock. Et puis, c'est quoi? Attends, tu lui expliques juste ce qui s'est passé, tu lui poses pas de questions ou... Je lui explique que lors de l'exercice du Kobayashi Maru à l'académie, nous avons été envoyés dans une dimension parallèle comme lui l'avait été. Je fais référence au rapport. Je dis que j'ai rencontré l'amiral Spock avec la photo. Et je dis que il nous a donné un message que nous aimerions pouvoir. Attends, j'y réfléchis, vous avez une photo? Non, vous n'avez pas de photo? Non, on n'a pas de photo. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Non, vous n'avez pas de photo? Ah non, toi t'as maquillé une photo de Spock. J'ai pris une photo de Spock et j'ai bien vu. Toi t'as pas de photo de Machin. Retiens. Jésus, et moi. C'est dommage, je lis, je ne transmets pas. Par contre, Pardon, excuse-moi. Mes souvenirs sont comme le sable, qui s'écoule entre tes mains. C'est un des moments où tu te poses des questions quand tu vois José qui dit c'est vrai. Il devient viré. Et du coup, voilà, je mets du coup la photo photoshopée et qu'il nous a confié un médecin que nous aimerions lui communiquer. Non, mais j'adore l'idée que quelqu'un envoie une image à un vieux McCoy de genre voilà, on fait ça à quelqu'un, voilà. C'est assez. Enfin, pour ceux qui pourraient rajouter un petit commentaire moi, de mon côté sur le débat que nous avons eu sur la directive première et le lien avec les mondes parallèles par opposition aux planètes habitées là-bas et le fait que le débat était ouvert de notre côté et qu'on allait en discuter un petit peu plus éventuellement, mais qu'on voulait aussi en rapporter, quoi, dit-il en parlant tout seul sans que personne l'écoute. Citron. Ah. Je donne ma part. Surtout maintenant. Là. Ah, maintenant, j'en veux plus. Elle me fait gerber cette part. Un grand coup de langue. Fais gaffe, tu vas digérer la cuillère. Là. On va te regarder faire. La cuillère fond. Vous allez où ? Ok. Donc, tu mets dans ton entrée, tu spécifies que, voilà, que c'est les personnes de là-bas. A priori, ce serait pas con de prendre des contacts et tu t'ouvres la question de ça, c'est peut-être plutôt justement dans ton supplémental, finalement, est-ce que... Oui, voilà, oui, c'est pour faire le truc un peu joli, mais en même temps, c'est intéressant, puisque en effet, c'est pas abordé, or, on sait depuis déjà quelques temps qu'il y a des univers parallèles. Ouais, tu peux mettre en copie ton prof de droit ou ton prof de philo au choix, ou les deux, c'est beaucoup t'amuser. C'est plutôt les deux, mais éventuellement, je vais aussi prendre en compte. Je sais plus si c'est lequel des deux qui a un télarite, et tu es sûr que... C'est pour ça que j'ai copié aussi le cadet de Pian, en disant qu'il a posé des bonnes questions à des bons moments aussi, que le débat était intéressant. Je mets aussi en copie le cadet Fontaine, mais en blend carbone copie, je promets qu'il réponde. Pendant ce temps, dans le monde parallèle. C'était chiant, ils n'arrêtent pas de m'interrompre. Putain, la prochaine fois, je leur renseignerai le respect, ces petits cons. Je drac. Qui se remet avec un gros pot de... Réplicateur, glace, citron, 2 litres. Dans un seau. Avec une cuillère répliquée, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Je peux en parler avec les contacts du centre pour le voyage temporel. Ce que je veux dire. Bravo. Non mais nous on est con. Département d'investigation temporelle. Voilà. Le DIT. Mais ok, ouais, bah vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, j'ai un message en posant la question. Bon, ok, vous occupez des voyages temporels, mais qu'en est-il des voyages entre les dimensions ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été approché, qui a été envisagé ? J'imagine que ça porte pas sur la directive première temporelle, mais. Non, bien sûr que non. C'est la directive première. T'as un double. Mais quelque part. Directive première, poubelle. En fait, oui, il s'occupe de ça aussi, mais bon, c'est beaucoup moins courant. D'accord. Un peu par extension, mais ils ont jamais. Ouais, c'est extrême, c'est encore plus limité que... Puis il y a peut-être moins de conséquences directement qui est un peu... Oui, la réponse que tu vas avoir de leur part, c'est que... leur rôle est avant tout un rôle extrêmement pratique d'accueillir des gens qui seraient en décalage temporaire ou de limiter les répercussions éventuelles de ce genre de trucs. Donc ils ont un rôle de containment. D'accord. L'aspect philosophique de la chose, c'est pas vraiment. Enfin, le contact libre, c'est pas vraiment mon truc. Je laisse aux législateurs et aux philosophes. Un point pratique alors, il y a une seule dimension parallèle, il y en a plusieurs, Est-ce qu'on en sait un peu sur comment ça marche ? Les cordes. Ouais, il vous dit, il va te lier. T'as vu ça en physique, hein, suivant les théories, il y a une infinité de univers parallèles. Oui, d'accord, mais là, c'est de la théorie. Là, je parle d'un point de vue pratique. On a eu deux voyages dimensionnels qui ont mené dans la même dimension. Est-ce qu'on a eu des contacts avec d'autres dimensions? Est-ce qu'on sait qu'il y en a moins une ou deux autres? C'est peut-être une des plus proches qui fait que t'as besoin de moins d'énergie pour y aller. J'essaie de me souvenir. Ouais, non, oui. Oui, il y en a d'autres. Maintenant aussi, les rapports sont pas toujours non plus super complets, quoi. Est-ce que les mecs ont des boucs ou pas? Hein? C'est vraiment le point pour le déterminer. Il y a un monde où il y a que des boucs. Je pense, hein. Non, voilà. D'accord, donc il est possible qu'elle est... Oui, qu'elle est, ils peuvent penser, maintenant c'est difficile de savoir avec certitude que ces deux-là, c'est pas la même et t'étais juste dans un coin indifférent. Mais il y a parfois des choses, si t'arrives sur Terre par exemple, il y a moyen de savoir si c'est le même que l'autre ou différent. Il y a plein de trucs, il y a des flashbacks aussi, dans des confrontations avec d'autres espèces. T'as des contacts qui sont faits avec des êtres qui sont d'une nature tellement différente que quand t'entres en contact avec eux, est-ce que t'es dans un autre monde ou est-ce que t'es juste... Est-ce qu'ils utilisent leurs facultés pour te faire voir les choses? T'as te mettre sur un plan de compréhension qui est le même au leur, quoi. Alors est-ce que t'es dans un autre monde et c'est juste toutes tes perceptions qui changent? Ou est-ce que t'es vraiment dans un monde parallèle? Enfin, tu vois, c'est très compliqué d'estimer ce genre de truc, quoi. D'accord. Mais bon, il te référence différents chercheurs qui font des recherches sur le sujet. Ah, c'est intéressant, ça. Tiens, ok, je m'intéresserais. Et du coup, d'un point de vue de l'académie, ils n'ont pas de problème à dire qu'on a passé le Kobayashi Maru, même si, en fait, on ne l'a pas fait. Techniquement, on l'a fait. Le truc officiel... le temps on va passer. Hein, ouais. Mais on l'a passé, on l'a juste passé dans un univers beaucoup plus difficile ou qui était mortel. Le truc est assez vague. C'est pas présenté comme étant vous avez réussi et tout. C'est présent. Les résultats sont, Il y a des rumeurs qui courent comme quoi vous l'aurez réussi, mais dans des conditions différentes. Alors, suivant les versions et les gens, il y a des gens qui disent. Il y a eu tricherie, il y a des gens, c'est parce qu'ils veulent garder ça. Je vous propose de garder ça un minimum secret pour maintenir un peu la force de notre escadron. Donc il y a toutes les rumeurs, quoi. Ça va des gens qui vous maintenir la rumeur qui vous traiter de tricheurs complets à ceux qui disent ah non, ils l'ont réussi, mais ce qu'il y a, c'est que l'académie veut garder ce truc immaculé et continuer à faire croire que c'est impossible de le réussir. Donc ça, c'est les deux extrêmes, quoi. Et entre ça, t'as tous les spectrums de machin. Au final... L'OS dimensionnel, finalement... Officiellement, vous l'avez pas... Officiellement, vous l'avez pas réussi, quoi. Vous avez une cote... Vous avez une bonne cote, mais... Enfin, de toute façon... C'est pas le marqué réussi, quoi. De toute façon, c'est pas coté à la réussite de ce truc. Ouais. Donc voilà, donc ce que vous êtes évalué, c'est différents trucs. Par exemple, est-ce qu'on a une meilleure note que le Red Squadron? Non. Ça veut dire quoi, ça? C'est important, ça. Pourquoi? Vous en savez rien, en fait, parce que la cote elle-même est pas... Ça fait partie des évaluations générales. On va dire avoir des évaluations, non? Ouais, mais c'est des rapports que vous recevez, en fait. Pour ça, c'est des rapports psychologiques et des trucs comme ça, de comportement, etc. Donc, techniquement, pour Starfleet, pour le personnel qui sert de cet exercice, ils vont pas vous le refaire passer, parce que ça devrait... Voilà. Mais pour eux, vous l'avez même pas passé, quoi. Parce qu'ils ont aucune donnée d'observation, quoi, en fait. Donc, ils ont pas pu tester votre comportement... Pas le nôtre à nous, ils ont testé celui de... Voilà. Bah, ils ont testé, ils ont... Ils ont suivi. Ils ont testé avec leurs datapas. Qu'est-ce qui se passe? Donne... Donc, question officiellement... question officiellement... Sur le papier... sur le papier, on a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'histoire underground Starfleet Academy, tout le monde a parlé de vous tout le reste de l'année. Exactement, comme Spock, c'était pareil, il avait réussi, mais il y avait eu éventuellement de la triche sur les ordis. C'est le même genre de truc, quoi. C'est le citron, ça, je crois. Ah, c'est pas bon. Il est trop bon. Je vais voir ou pas. T'as trop mauvais goût. Donc voilà, donc vous êtes la star des ragots jusqu'à. Cela dit, il faut quand même nous évaluer sur notre état mental, notre retour, une faire un voyage dimensionnel dans un endroit vachement difficile et que certaines personnes expérimentées dont ils peuvent témoigner, et visiblement si nos rapports sont vrais, et ils ont quand même moyen de nous interroger, de voir toute la réalité de la chose, on est quand même, on s'est quand même plutôt bien sorti, on a pas l'air d'avoir. Ils peuvent, bon, de toute alors. Façon, continuellement évaluer psychologiquement, socialement, tout au cours des études. Ouais. Ça c'est clair. Si. On me l'a fait toute ma vie. Le résultat, c'est 2D. Je me fais évaluer tous les jours. Qui ne le fait pas? Donc, t'es un copain, tu m'évalues pas. Mais non, mais je te juge. Et merde. Donc ça change pas. Mais ils peuvent pas, ils ont pas pu évaluer votre réaction par rapport à une situation d'échec. Mais non, on a réussi. Ah, je le fais tous les jours. Enfin bon, tu vas avoir l'argument avec un des observateurs qui va s'arracher les cheveux. Voilà quoi. Oui, l'argument est plutôt difficile parce qu'en fin de compte, il a la moitié de l'information. Mais bon, nous avons réussi. Pas trop, ne discutez pas avec un Vulcain, ça ne sert à rien. C'est une image de la vie de ce drap. Je vois, mais c'est pour cette vidéo. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Ça va être l'enregistrement le plus bizarre. Derrick est mon bête, sans or, ni queue ni tête, et sans rien visible. Des fenêtres Skype qui se ferment. Des écrans qui se... Connexion mise, boum. Je les annule à Nadia, out. Cadet Le Billon, out. David Fontaine, out. Et un bruit de téléportation, s'il vous plaît, à ce moment, c'est le meilleur moment. Enfin. Donc voilà, vous êtes la star des ragots jusqu'à la fin de l'année. C'est la star de l'académie. Et arrive le... le jour de... Macon, tu n'as jamais recontacté? Non. Il y a de l'espoir. On a un message à lui faire passer, quand même. Tu l'as écrit, le message? Je vous laisserai prendre connaissance de l'univers de Star Trek par les films et séries, et vous pourrez juger que mon interprétation de Marc McCoy est juste. Ben, on aurait pu copier. Oura et Scotty sont encore en vie? Non, c'est un bon... Non, disparu, Scotty, Oura, je ne sais pas. Mais ce serait bon, par contre, c'est vrai, au bout d'un certain moment, comme on ne reçoit pas de réponse ni quoi que ce soit, Géza, en effet, après une rapide discussion... Je vais recevoir juste une réponse du secrétariat, on avait pris bonne note. D'accord. Avec en connivence avec Sdrak, ainsi que... Le Billon. Le Billon et puis notre ami... La Fontaine, faut pas l'oublier. Est-ce bien nécessaire? Ouais, c'est vrai. 2D. Quoi? Non, donc un rapide message va être envoyé, donc à la même adresse email pour entrer en contact avec McCoy, qui dit juste, suite à... Faisant référence au message qui a été envoyé par le cadet Sdrak auparavant, un message personnel par... donné par Spock, le chef de la sécurité Spock, durant l'épisode 2, et puis je fais juste une référence à la au log. Mm-hmm. Et puis je retransmets les mots pour mots que Spock nous a donné, sans ce qu'il a appris de sa vie là-bas et de ses échecs et de ses réussites quoi. Donc le petit message qu'il nous a transmis mot pour mot, mais je dis, donc c'est partagé peut-être avec nous, mais probablement aussi avec plus de personnes, et on a pensé que ce serait adéquat de l'envoyer à l'amiral McCoy. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un message qui sera délivré à McCoy, mais qui sera le seul à pouvoir ouvrir? C'est sur le secrétariat avec des clés d'encryption, ça doit exister, ça. Ouais, tu peux. Et ben voilà. Comme ça on peut mettre l'histoire sur. Après, s'il le lit ou pas, ouais. Oui, d'accord. Tu l'as écrit dans le tien, ça? Non plus. Ah, alors dans ce cas-là, on l'écrit là-dedans. Je crois que tu l'avais écrit dans le tien de base, hein, parce que c'est pas nécessairement quelque chose de particulier, il m'a semblé. Bah, si, c'est un truc un peu particulier, hein, sur ton enfance, non? Oui, c'était très, très spécifique. D'accord, dans ce cas-là, on fait sur le message encrypté. C'était en fait. Ça racontait comment, à l'âge de 9 ans, il avait goûté pour la première fois un mint jollof. Un quoi? Un mint jollof. Là, je fais une recherche pour savoir ce que c'est qu'un mint jollof. C'est un cocktail apparemment du sud. De territoires qui correspondent pas pour, aux États-Unis. Alcoolique jeune du sud du continent nord-américain. D'accord. Pour ma colle. Bah, dans ce cas-là. Je connais ça. C'est de la glace servie dans un verre en métal avec du. Maman elle donne ça quand j'étais pas gentil et qu'elle voulait que dormir un peu au biberon. Ouais. Le sujet du message dans ce cas-là va être très succinct, mais va faire une référence au cocktail, au nom du cocktail, et à Spock. Mais par contre, il y aura rien de plus particulier là-dessus. Le reste est dans le message encrypté. Hurrah, je trouve pas de trace d'elle. En fait, c'est ce que t'avais renversé sur le siège. Tu connaissais parce que c'est ce qu'il y avait en fait sur le siège. J'avais précisé. Que t'en as parlé d'ailleurs parce qu'il y avait pas la. Pardon. Hurrah, j'ai fait des recherches. Hurrah. Au bout d'un moment, et ça collait au siège en fait, qui était dans le vaisseau qu'on a utilisé pour coller à Shinaro. Ah, parce que j'étais pas là. 44, ouais. 60. Non, en fait, ouais, c'est dans un. Il y a toujours plusieurs séances où t'as fait ça. Quand je calcule, elle a 120 ans, quelque chose. Toujours en service? Non, on est à la retraite. On peut. Je vais quand même faire lire le message. Okay. Si peut-être pas sur l'histoire de machin, sur non, l'apprentissage et puis le rapport. Ouais. Ok. Là, après. Après plusieurs semaines, tu vas recevoir un, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Tu vas recevoir un message de Nyota Uhura, elle n'est pas là à la retraite, qui se réjouit que toi et tes compagnons vous soyez sortis moins indemnes de ces circonstances. Elle-même a eu beaucoup de chance de s'en sortir. D'accord. Mmh. Je te remercie pour ce message. Elle fait pas mention au message qui a été communiqué par toi. Okay. Elle dit qu'elle fera passer le message. Elle fera en sorte que les personnes concernées adaptées soient au sein de Starfleet comme elles soient informées. Je te remercie doublement. Voilà, voilà. Et donc, nous arrivons à la fin de l'année. Vous avez encore quelques petits examens ou travaux à compléter, presque plus de cours, surtout des activités à suivre, extrascolaires. Donc, vous terminez vos études et toi, Maëlig, tu termines ta deuxième année. Et donc, va arriver enfin le jour de la remise des diplômes et je quitterai définitivement l'académie. No one believed in me! Les enseignants, les officiers de Starfleet. S'il reste encore des activités qu'on doit faire pour le Crimson, j'essaie aussi de caler encore quelques activités de transfert, de responsabilité au sujet de l'année suivante. Ouais, tout à fait, c'est surtout ça, c'est préparer pour le départ de vous, donc des rôles que vous jouiez qui étaient. Très important. Heureusement. On est les premiers anciens en fait. Sans doute par rapport. Ouais, mis à part Remclax, ouais. J'ai une question bien particulière. Est-ce qu'il va-t-il y avoir une espèce de cérémonie de remise de diplôme? Oui. Ma mère sera-t-elle là-bas? Je vérifie dans les logs, tu sais, d'invitation, ce genre de trucs, etc. J'essaie alors, de m'assurer. Question. Jusqu'à présent, je considère. Capri ou non? Non, je considère surtout. J'ai déjà dit, bon, là, qu'on a encore du temps. Vu le background, je considère que Maëly t'envoie un message de temps en temps à tes parents, ouais, ça me semble appliqué par rapport à ça. Les autres, si vous ne me dites pas que vous faites quoi que ce soit, je considère que vous ne faites rien. Quoi. Toi, tu m'as dit de temps en temps que tu envoyais des trucs à Potrikos. Oui, oui. Donc, je la convie. Je la convie. Et elle sera venue. Ah. Bon. Donc, moi, j'ai eu quelques contacts avec, je crois, une pilote. C'est bien l'endroit où à la limite il y aura quelques contacts. De temps en temps, t'as. Comment il s'appelle? Emma Stierre. Non, si, oui, c'est ça, c'est... T'as le... Janine Harper. Non, oui, ça c'est Janine Harper. Mais il y avait aussi autre chose. De temps en temps, t'as le... l'assistant personnel de ta mère qui, tous les 4 mois, te demande de nouvelles... Est-ce que tu lui réponds ou pas? C'est quelqu'un qui... Je considère un rapport correct, quoi. C'est très très succinct. Mastillère. Mastillère, oui, c'est ce que je viens de te dire. Une mastillère. Et le rapport est toujours extrêmement succinct. Sans. Il est sous quoi? Je ne me souviens pas. J'ai écrit. J'ai juste écrit le nom. Mastillère. C'est pas un contact ou quoi dans tes avantages, désavantages? Dans tes avantages? Ah, écoute, la théorie voudrait qu'il y ait. Si, absolument, oui. C'est quoi, contact? Non, c'est. Patreon. Obligation. Donc c'est, tu c'est lui réponds. Je lui réponds. Je lui réponds, ça me va. À moins que tu dises non, je lui réponds pas, à ce moment-là. Ouais, il y a autre chose que tu peux dire. Non, je réponds. Mais c'est le rapport que tu as à lui, c'est quelqu'un que tu considères. Oui, je réponds. C'est tout à fait logique, je réponds. J'ai oublié que c'était lui. Donc ça me va. Voilà. Non, je suis, mais je suis ce qui se passe. Ok, il y a ça qui se passe. Tes parents ne seront pas venir. Mais c'est pas marrant, mais de toute façon. Ouais, de toute façon. Donc, raison de plus, pourquoi on viendrait, t'es fou. J'ai envoyé un message hier, je te. Stop. Deux ? Je t'ai envoyé un message pour valider, c'est un message que j'envoie avec Darz. C'est après, je te le dis. Ah, ok. Ok. Tu l'as même pas lu, ce que j'ai posté moi la dernière fois. C'est sur le forum ? Non, c'est pas sur le forum. Je t'ai envoyé sur le MD pour justement après que je sois sur le forum. Sur le forum, moi je l'ai posté, je sais que t'avais pas lu. Ah, ok. Ouais, c'est... Moi, okay. Faut que je vous les explique. Ok, toi. Rien. Ah, c'était la gomme! C'est sa gomme! C'est vrai qu'il se posait la question pendant quelques secondes. Il a un vibromasseur dans sa trousse! Bon, oui, non, mais donc, voilà. Est-ce que vous faites quoi que ce soit en préparation de la synchronisation du coup? Juste la question que tu as posée, moi. Est-ce que tu regardes si ta mère vient? Salle de gym. Je vais pumper tous ses biceps. Et à la limite, à Mastillère, j'aurais passé le message comme quoi c'était pas la peine du tout. Non. Enfin, en tout cas, tu trouves rien qui... Oui, je trouve rien. Très bien. Je fais des tonnes de crêpes pour le goûter. Il y a 2000 personnes qui viennent et j'ai des crêpes pour tout le monde. Il y a un truc qui se passe quand même à la prochaine. Toute l'application de Quelles sont les traditions de l'académie? Bon, il y a différentes célébrations. J'écoute pas jamais. Surtout, hein. Bon, il va y avoir un discours de la superintendante. Il y a une réunion sur la place d'armes de la, la... Mais la soirée d'avant, il est important que le Crimson Squadron fasse une petite fête bien alcoolisée. Il y a pas de compétition. C'est obligatoire. Négatif. Squadron. Il n'y a pas de gagnant de fin. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, vous débloquez des choses, etc. Quoi. Et vu que de toute façon, que les squadrons restent, etc., et que c'est les points de toute l'année, c'est plus des privilèges que vous développez au long plutôt qu'une. Okay. À la fin, j'ai plus de points. Quoi. Et niveau privilège, on est bien placé ou... Pas mal. Pas mal. Franchement, encore une fois, comme l'année précédente. L'année précédente, c'était. Ouais, c'est bien pour des débutants, quoi. Mais avec un peu, genre, pas chance des débutants, mais ouais, on va voir si ça dure. Là, vous avez réussi au cours des années à établir le truc, quoi. Alors la question, c'est maintenant que vous partez aussi, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Miley qui va faire tout le boulot maintenant. La question, c'est est-ce que le Red Squadron nous considère comme des rivaux? Red Squadron considère tout le monde comme des rivaux. Donc, non, mais. Comme des adversaires, mais comme des rivaux. Ça. Nous sommes le Némésis du Red Squadron. Est-ce qu'il considère ça? Comment tu fais pour déterminer ça? T'as jamais quelqu'un du Red Squadron qui fait ouais, vous êtes vraiment nos meilleurs ennemis, quoi. Ça, il n'y a personne du Red Squadron qui va faire, quoi. Est-ce que tu utilises un algorithme, tu fais du data collectif pour voir par rapport aux commentaires? Est-ce que t'en suis un en regardant ses réactions en le chantant? Non, toi, je fais ça. Oui. Il y a quelqu'un qui passe à côté qui chantonne Crimson Squadron, et puis moi je lis dans les pensées de chacun des Red Squadron members qui écoutent ça. Vous avez clairement une rivalité avec Samuel Tipi. Mais t'as pas rival, ça ? Si, mais ce n'est pas lié là. Tu avais indiqué autre chose ? Moi je t'avais déjà indiqué autre chose. J'ai rival, mais c'est pas. Je ne peux pas souvenir que tu m'avais indiqué quoi que ce soit. Non, toi je sais que c'est pas ça, c'est arrivé plus tard. Je crois que t'avais pris rival et tu m'as jamais précisé qui c'était. Tous. Donc. Ah, le truc c'est que tout mon texte n'est pas là. Donc. Ouais, vérifie si pour faire, mais sinon tu peux considérer que c'est Samuel Tipi. Parce que dans ma tête, c'était ça quoi. Ah d'accord, bah je sais pas. Bah ça me va. Ouh, merci. Oh là là. J'ai pas regardé avec plus d'intérêt que ça, c'est dommage. Merci beaucoup. Ouais, ça me pètera la gueule plus tard. C'est super joli en tout cas. Oh, tu es super conf. Je suis en France, je crois. Vite la glace. En personnage. Le bras. Par contre, ça fait filer, c'est pas étonnant. Alors, quand c'est posé, et on. Non, bon, c'est un truc. Ouais, c'est clair, voilà. Toi, Kipling, il y a toujours eu quelque chose. D'accord. Depuis, il m'a fallu 4 ans pour que je m'en rende compte. Je l'ai ignoré, elle a dû haïr ça. Sa séquence, elle faisait des trucs rien liés à moi. Que moi non, mais tu te dis, tiens, ouais, dans cette boîte de nuit, je me souviens maintenant, en première année et tout. Ouais, tous les petits points, elle m'a embêté, puis moi, je m'en suis même pas rendu compte de ce passé, mais là. Quoi. Mais je me rappelle les détails, puisque à chaque mouvement, je sais ce qu'elle a fait. Quoi. C'est là que t'es content. Ce que vous allez recevoir comme message. Ah, 3, c'est qu'en fait, il va y avoir des... Ouais. Est-ce que rien que là que tu viens ? Non. Il peut pas ? Non. Il est en service. Il a le bout de l'univers. Il est sur Voyager actuellement. Je suis perdu ! Il aurait pu être en permission, c'est pour ça ? Non, si. À ce moment-là, il serait devant des plans sur un ordinateur. C'est le plus près qu'il pourrait être sur Voyager en ce moment. Ah, ouais, d'accord, ok. C'est genre, cherche. J'aime pas être ce plus bien ici. Si au moins j'étais en train de construire ce truc, les pauvres ont un peu naturellement se multiplier avec des anciens du 436 en fait. Okay. Donc il va clairement avoir une espèce de cicatrisation qui va devoir prendre place avec Macha et Pierre. C'est vrai qu'on la regarde plus lui-même. Elle va, mais. Non. Je peux plus la regarder là. Un peu entrelacé avec ça, vous allez avoir des pauses de plus en plus souvent avec des anciens du 436, en fait. Et ils vont. Et finalement, c'est plein de bons souvenirs de comment c'était cette première année où vous logiez tous ensemble, ce qui s'était passé aussi. Donc, on va reparler notamment de ton discours que tu avais fait. Lors de ces circonstances, etc. Oui. Avec Gilbert, t'as pas parlé de voilà, on reparle de plein d'autres choses qui sont passées. C'est vrai. Le coup de poing. Finalement, c'est plein de bons souvenirs. Et bon, il y a un dîner qui va être proposé après la remise des diplômes avec tous ceux qui restent du 436. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui. J'arrête. Jared est de retour. Hein. Ah oui, oh, tiens. Il est là, Jared, il participe à ça. Corgé, bon, mais il y a plusieurs personnes qui, a réussi sa qui n'ont pas mené leurs études à terme parce que, bon, bah, soit ils n'avaient pas la capacité, soit finalement ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. Corgé là. Ah ? Corgé là. Corgé là, ouais. Si, j'avais pas quand même. Il est venu à quelques cours, mais il est assez. Assez j'ai l'impression de être pris par d'autres choses. Il a fait quoi pour son premier Yashi ? Il a réussi, il a échoué. Bah, le but c'est de l'échouer, hein. C'est, Non, pas comme tout le monde. Sans faire référence à nous, il a dit qu'il pensait avoir fait une bonne performance. Flop. On va sortir un truc genre, aujourd'hui c'est un jour bon jour pour mourir. Mais... Il a l'intérêt d'un exercice pareil. Enfin, bref. Et Jared, il a bien réussi ? Jared, il n'est pas en commandement, du coup, il n'est pas. Oui, mais il aurait pu venir avec une idée un peu. Il est allé comme officier médical, il a plus grand participer. Je parle à la glace, quoi. Ça, c'est du mandit pour la glace. Super. Elle est super bonne. Elle est super froide. Bonne. Merci. Ah ouais, non. C'est exceptionnellement bon. Ah, c'est super bon, hein. J'aime pas le citron, mais là... Bon, ah, oui. Je suis désolé. Donc viens le jour de la remise. Je vais aller tout le temps. Bien sûr. Me regarde, pardon, excuse-moi. Viens le jour de la remise des diplômes. Alors, à l'avance, on met tous les cadets de leur année finale. Et beaucoup d'autres cadets assistent également. Enfin, en fait, vous êtes mandatés, donc vous êtes en rang soigneusement derrière. Tenue d'apparat, bien entendu. Et ils prennent place assez solennelle. Il y a une estrade et un podium. Ils vont prendre place sur ce podium successivement les différents dignitaires de l'académie, notamment Zurich, lui-même, qui est là aussi, parce qu'il est, je crois, on dit Dean. En fait, c'est le doyen. Hein ? C'est le doyen. Oui, doyen aussi, quoi. Enfin, c'est, ah oui. C'est le doyen et le chef de la sécurité. C'est une espèce de rôle entre les deux, quoi. Miam. C'est la personne en charge de tout ce qui est discipline en fait. Merci. D'accord. De tout ce qui est discipline, alors. C'est pas juste sécurité, quoi. C'est vraiment un rôle. Ouais, ça c'est un rôle moral en plus. Y a-t-il des personnes qui ne font pas partie de l'académie qui sont présentes? Oui, beaucoup de parents. Y a-t-il des personnes militaires qui ne font pas partie de l'académie qui sont présentes? Oui, des membres de Starfleet Command, différents amiraux sont là. Des capitaines. Aussi. Est-ce que c'est à la remise des diplômes que t'as l'assignation du truc d'après ou c'est un autre truc Non, vous êtes en attente de ça en fait. Donc vous avez posté vos candidatures sur ce que vous vouliez faire. Donc d'ailleurs, il faudra me dire sur quoi vous portez vos candidatures, vos souhaits, vos espoirs d'assignation. Quoi. Sachant que suivant les cheveux. Donc voilà. Potricos est là, donc apparemment il y a une capitaine qui est venue trouver une petite dame. Il l'a déjà vu, elle a parlé. Oui, bah, qui est là, qui est venue saluer Zdra, qui est saluer, qui les prend place au podium. Elle avait un bras. Non, ça c'est la super importante. Non, c'est celle qui a parlé, qui avait dû abandonner. Sacrifier des signes, non? En tout cas, ça qu'elle parle d'une décision de diplomatie. Elle était sur les limites de la zone neutre. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est qu'elle est parlé par communicateur. Là, elle est venue. Ouais. Non, c'est moi, c'est moi. Ouais, bien joué. Bon, alors, vous voulez aller. Ouais. Est-ce que tu peux les faire avec la veille, les donner par. Par Tupperware et les amener à quelque part plus pratique. Qu'est-ce que c'était, bon? Oula, ouah. Bon. Yummy. Bon, tout ce petit monde est là. Je fais les takeaways aussi. Zurich va introduire un peu, vous féliciter les cadets pour leur performance et va rappeler à chacun l'importance de faire honneur, de faire preuve de droiture. Quand ils sont les porteurs de l'uniforme, bientôt les porteurs de l'uniforme de Starfleet et des valeurs de la Fédération. Et la superintendante va prendre place au podium à son tour et entamer un discours. Combien sommes-nous, pardon? C'est une centaine ou un peu plus? Très très nombreux. D'accord, Tu vois vraiment la scène de film américain où plein de gens. Il y a que le chapeau plat. Sauf que s'il n'y a pas le chapeau plat, je vais le dire. Ah. Uniforme. C'est plus polytechnique, hein. Ouais, sur le coup. Bah. T'as uniforme. Et on est super endettés comme les Américains, quoi. C'est vrai. Il est ironique. Bon. Et on termine tout bon. Bon, voici un résumé. C'est parti. La superintendante prend place derrière le pute. Sa démarche est normale et. Elle n'a pas le même pied que la dernière fois. Elle n'a pas la même prothèse. Ouais. Vous imaginez qu'elle a une prothèse, sa prothèse habituelle qui est beaucoup plus efficace et plus discrète. L'espoir. C'est sur ce sentiment que s'est bâti Starfleet. La volonté de ne pas être un empire. Celle de ne pas conquérir ni de diriger aucune personne. Mais d'apporter son aide à tous. La volonté de partager les fruits de la technologie et de la science. Enseigne aujourd'hui, comme hier, vous avez le pouvoir de créer et de comprendre. Et avec lui, le pouvoir de faire, pour tous, de cette vie, une aventure merveilleuse. On a le droit, bravo, bravo. Hein ? On a le droit ? Bah, j'ai des... apparemment, il y a des gens qui se lâchent. Et il y a un mouvement de fou. Je vois, c'est garde à vous. Okay. Si le public va applaudir, il peut, mais... Tu vois qu'il blink, bah, c'est garde à vous. Et... Personne va dire repos. Hein ? Personne va dire repos. C'est vrai. Non, personne n'a dit repos. C'est vrai. Effectivement. Chacun des cadets va être appelé un à un recevoir des mains de la superintendante son diplôme. Il monte sur le podium, serre la main sur la superintendante, qui apparemment échange un mot très rapide avec eux, et afin que la personne suivante. Vous voyez ainsi monter sur le podium Altrin Drenova, avec qui vous aviez partagé le voyage de Zdrake chez A vers la Terre, à Your Stone. Vous voyez Charles Pellissier, que tu connais, qui était au 436 avec eux, mais que tu as rencontré, parce qu'il est un grand passionné de voile aussi, et d'astrogation. Et est appelé Davis Fontaine. J'arrive. J'ai une surprise. Il y a un ordre genre alphabétique. Il n'y a pas eu d'erreur. Ça, c'est un ordre alphabétique. Après, c'est un peu compliqué des fois avec les appellations, etc. Mais là, je suis pas important. Félicitations, enseigne. Comment tu vérifies si c'est le tien? Félicitations et encore bravo pour votre performance au marathon de cette année. Cadet Géza Muran Alia. Qui avance droite, raide comme un chabalet, fait le trajet, monte sur la scène et puis fait un garde à vous devant. Félicitations. Votre performance, mon commandement, même si votre vocation était tardive, a été remarquée. Non, tiens ça. C'est assez pas... Excuse-moi, je sais pas si tu voulais le déclarer. Ah, il y a un petit bout de papier, ça le déclare. C'est quoi ? Un S ? Non ? Non. Elle est drague. Je vais me rappeler. Félicitations. Ah, aussi ? Yop. Désolé. Votre fait honneur à vos parents. Fast forward l'année prochaine. Hop. Et moi j'en ai pas, du coup. Ah, non, si, je le tiens en fait. Ah, merde. Tiens. Voilà. Merci. Jolie touche. Awesome. Je vais pouvoir l'encadrer, le mettre. Je dirais que c'est celle qui peut revenir déjà. Ah, c'est Zvik. C'est énorme. Je crois que c'est Zvik. Zvik ? Non, c'est Zvik. Zvik ? Ouais, c'est Zvik. C'est énorme. Et c'est pas... C'est pressé. Hein. Oui, c'est du sacré bon boulot ce qu'il nous a fait. C'est monstrueux. Dean of the College. Vache. Ok, tous les MJ s'en prennent bien la gueule. Joli ce que tu nous as fait, là. Très très bien, bon papier, bonne impression. Et Géza, sur son retour, a regardé à droite et à gauche si elle reconnaissait qui que ce soit dans l'assemblée. Elle a eu l'air peiné. Ouais, mais je vais regarder, c'est pas planté sur l'année du coup. Avant de reprendre sa place. Personne. Ah bien. Classe. T'as 64 tu vois, tu reconnais beaucoup de visages, c'est le visage de 36. Ouais. Qui applaudissent, tu vois. 5. Comment ça s'appelait Merde, c'était pas le Masti. Non. Ta compagne d'un ouais. temps. Oui, qui est passée, j'ai oublié le nom, je l'ai écrit quelque part. Macha, Klaus Minkowski, ouais. Pierre Coulon, Pru, Michael Temperanzo aussi, qui a été diplômé. Ferg, ton ancien camarade de chambrée. Oui, c'est bien, c'est heureusement que c'était ancien d'ailleurs. Et à tout cela, un sourire crispé est effectué sur le trajet, sur le retour. Ouais. Et au terme de la réception de cela, Ouais. On va revenir. C'est un joli point, ouais. si vous continuez comme ça. On a des goodies, on a la boue. Et les membres du 436, en fait, vont se retrouver. Il y a des gens qui disent, viens. Et ils vont assister, même les plus récalcitrants. On va taper Samuel Kipling à côté de toi. pour faire une photo de groupe tous ensemble. Ce jour de célébration. Donc ils vont passer l'appareil photo. Voilà. Est-ce que Agal me remet entre les pognes le chapeau que j'avais lors de ma première soirée au 436? Non, mais j'ai oui. Tout en lumière. Bah, celui que j'étais habillé en jaune, il m'avait. T'avais un chapeau là? Je pense qu'il avait fait la totale. Non, c'est pas miroir, c'était miroir essentiellement. C'était comme un truc. Il y avait des paillettes, de la lumière et de la couleur. Une tenue, Pour moi, c'était les tenues Bonnie M, tu sais, de scène, ouais. Bien. Genre Bee Gees et tout ouais. Ça. Ouais, c'est ce genre de truc, quoi. Pas de chapeau. Ah, tant pis. Mais ça ira. Mais on peut le répliquer, hein, c'est facile. Clic, clic, clic. Mais non, j'ai pas sorti mon uniforme dans tout le monde. Non, là il fait. Là il y a les bugs du rétro-seconde qui arrivent. Des zooms de la terre qui s'éloignent. J'entends en tout la facette, transition dans le cadre. Young Vulcan. Vulcan, there's a place to be loved. Vulcan. Et donc voilà, ouais. Korg n'est pas là. Korg a été appelé, mais il y a eu un blanc. Quelqu'un a dit quelque chose à l'oreille de l'amiral Brand et elle est passée à la perception. Elle a exprimé quoi? Vraiment, il est absent. Hein? À ce moment-là, elle a eu l'air troublée, elle a eu l'air triste, elle a eu l'air. Moi, elle a hoché la tête. Je peux vous la rechanter? Ça fait combien de temps qu'on l'a vu? Je peux la rechanter? Rechante là. Allez, je la rechante. Mais chante, c'est. Ok. C'est sans cul Grimm Shindy. C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu? 10 minutes avant. Au cours de la semaine. Merci. Ah bon? C'est quoi ton avis? Santé à votre graduation. Ah. Long life to our degree. Long life and prosper. À la Starfleet. Long life and prosper. Ah, to boldly go. Voilà. And individually each one of us, yeah. Put. Live long, prosper. Prosper dans tout le monde. Prosper, marry me. Youp, la boum. Le roi du pain d'épice. Prosper, marry me. Marry me. Hey, prosper, marry me. Marry me. C'est un auteur, Prosper et Mérimée. Ouais, ok. Mérimée, oui. C'est un jeu de mots pourri. Ah non, mais merde, attends, mais arrête pour une fois que je le comprends encore. Des blagues de grand-père, je te dis. Pour la peine. Ma vengeance sera. Ah bah merci, super conclusion. Allez, mettez. Groupez-vous un peu, je passe la photo de groupe avec les diplômes. Oh, attends, tu dis. Non mais c'est fini je les vois là, depuis le... Ah non tu le gardes roulé, il est con, J'ai cru qu'il faisait... Regardez, ça a été très rapide une fois que ça a été compris encore une fois. Très bien le tour. On a des DP. C'est écrit sur le diplôme, malheureusement Géza l'a pas lu. Non, je déconne, je l'ai lu. Ah oui, 202. Voilà. Il y aura des DP. Est-ce que vous avez des plans pour l'été? Revenir vers ma famille. Ouais. Passer les bras. Est-ce que tu veux passer un message à ce sujet-là? Ben, notre demande d'affectation, tu veux dire? Oui, qu'est-ce que sont vos projets d'été, etc. Ça va t'affecter immédiatement, non? Ou c'est, ça prend du temps? Non, ça, vous avez quelques mois, une paire de mois. Ah, je vais prendre un aparté de 2 heures. Une pièce. Il ne jouera pas la jolie pulpeuse bleue que t'as rencontrée. Macha, Roleplay Macha. Mais Macha. J'ai oublié Shran, Shran Tenri, la bleue avec les antennes, la de corps. Ouais, mais celle-là, elle est facile à sauver. Tivei aussi, qui est là. D'un coup, tu la sauves. Non, Tivei, non. Hein. C'est le gang, quoi. Et comment s'appelle déjà Michigoto, là ou... Suyutsuki, ouais. Ouais. Shizuko. Shizuko, merci, ouais. Ah. Ils sont pas follement excitantes, les nanas du 4-6. Ah, Shizuko, ça allait, hein. Je crois. C'était un peu comme Tivel, c'était un poil discret, si je me rappelle bien. Je sais pas, je l'ai ramené chez elle un jour, puis j'ai expliqué qu'en fait, j'avais pas vraiment envie de me reproduire avec elle. Je crois qu'elle l'a mal pris, je sais pas pourquoi. Ceci dit, tu as toujours eu un très très mauvais goût dans le domaine, cher Strike. Je suis pas souvent choisi, en fait. Quand tu es choisi et que tu décides de faire suite, c'est... Les résultats, quelques années après, sont particulièrement douloureux. Oui, ça prend la gorge un peu. Absolument. Le taux de respiration n'étant pas très très bon. Mm-hmm. Pourtant, votre tentative ne manquait pas d'air. Mais d'une certaine manière, moi j'ai constaté que tout ça était très sentimental. Ça fait comme un choc, je veux dire. En même temps, d'un point de vue très objectif, si tu veux suivre la théorie de l'évolution, il faut te reproduire en fait. Oui, mais... C'est la pierre angulaire. Celui qui... Ça n'arrive qu'à un certain moment très particulier. Pour les vulcains. Comment ça marche? C'est compliqué. Parce que j'ai vu aussi qu'il y a une race, ils sont 3 ou 4. Et du coup, ils ont un petit peu de problème. L'humanité aussi, si j'en crois les textes tels que la Bible. Non, en théorie, t'as besoin juste de 2 personnes. Oui, bah justement, c'est quand même été issu de 2 individus maudits par Dieu et qui ont pratiqué de façon très intéressante. Oui, ça, non, mais ça après, c'est une autre chose. Juste parlons de reproduction biologique, quoi, normal. Sans rentrer dans les légendes. Sinon, après, il y a aussi des personnes qui naissent tout seules, quoi. Autoconception. Conception immaculée. Je sais plus. Oui, la deuxième, mais bon, la règle deuxième volume, de base, c'est ça, le deuxième volume. Ouais. Oui, le tome 2, oui. J'en souviens, je l'ai lu aussi. Mais quelle tristesse de prendre ça, je veux dire, de manière totalement calculée, prévue, et puis uniquement à des moments particuliers, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la finalité qui est la reproduction, mais il y a aussi le plaisir, le partage et l'amour qui est à la clé de tout ceci. Je n'irai pas nécessairement décrire ce qu'on peut retrouver sur Beta Z qui ne correspond pas nécessairement peut-être à ce que les humains ou les vulcains vont faire sur leur planète. Mais le partage des corps et puis le partage des esprits est absolument impressionnant, sans pour autant tout divulguer, bien entendu, cher Strang. Avez-vous visité la planète des Romulaniens? Pourquoi? Là, tu visites, Jastrak? Non. Mais... Qu'as-tu lu à ce sujet, alors? Car tu ne visites pas ça pour ne pas vouloir me passer un message particulier. Je commence. Certaines théories disent que les Romulaniens seraient une branche éloignée des Vulcains, et qui n'auraient pas suivi la voie de... Je te dis non, mais j'en souviens plus maintenant. Qui nous a appris à contrôler nos émotions. C'est ce qui a mis fin aux guerres incessantes et... au massacre qui a ravagé le cas. Mais sur Beta Z, nous gardons peut-être un certain contrôle sur nos émotions, mais elles sont bien présentes, nous sommes heureux de les avoir et nous ne sommes pas en guerre. C'est la méthode que nous avons employée afin de survivre. C'est un sacrifice peut-être, mais c'est à ce prix-là que nous avons survécu. Tu peux inviter du monde. Parfois, au dépend de... C'est quoi, c'est la cuisine créole de Cisco? C'est ceux qui se veulent amis. La cuisine créole de Cisco. Sinon, on a encore une discussion sur sport. Oui. J'en suis parfaitement conscient. Pour l'instant, reste ouverte. Pendant les quelques mois qui nous restent. J'espère avoir plus que quelques mois, mais. S'il y a des affectations différentes. C'est difficile. Est-ce que cela vous dirait de visiter la Terre pendant quelques mois qui nous restent? T'as le nom du. Ah oui, absolument. C'est peut-être une des dernières fois avant longtemps, tu vas avoir l'occasion de passer. J'ai longuement pratiqué la culture humaine, mais j'ai encore finalement testé quand même. Ah ok. Ok, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Pas... ok, ok. Oui, pas que, enfin, je tente culture humaine. D'accord. Je te donnerai le nom de ton livre. Ça, ça c'est une très très bonne idée. Donc je peux faire le guide plus ou moins. Et j'aime pas... Ah, j'ai pas histoire humaine par contre. Tu peux demander à un humain de faire visiter des coins. Vous voulez visiter un peu le... Non. La plage, je vois, il y a plein de trucs à voir. Génial, le bayou. Le bar, le bar... le crocodile, ouais, les bars dans plein d'endroits différents. Les 5 en crocodile, je me souviens, on en a beaucoup parlé, ouais. Les crocodiles en sac à dos, tu veux dire? Bah, c'est le lieu le plus visité du département. Le quoi? Ma cousine. Oh, ce drac qui rigole. Roleplay, là, s'il vous plaît. C'était thématique. Le Black Surprise, je suis désolé, tout le monde doit s'y mettre. Non. Votre cousine, j'ai compris que tout le monde l'a visitée. Elle t'explique beaucoup. Non, non. Tu vas aller dans le coin, pas aller visiter la terre au cours de l'été. C'est exact, c'est une bonne idée. J'ai des adresses dans mon chez moi natal, si vous voulez que m'aille. Bien, nous pourrions passer très bonne cuisine par le bayou, c'est vrai, et parfois il y a de nombreuses choses que j'ai eu l'occasion de lire ou de voir en images que j'aimerais voir, des villes que j'aimerais visiter, des lieux aussi. Chez un vient de se resservir encore une fois. Donc là, le bilan, si tu veux faire de l'overdraft dans le bayou, est-ce là que viennent le groupe populaire anciennement américain Creedence Clearwater Revival? I see a banner rising. Suzy Q. Vous avez entendu, j'écoutais ce morceau il y a quelques jours. Suzy Q. C'est intéressant. Et puis, Mercer. Vous êtes versé dans la culture musique populaire? Non. Non. Musique de bar pour accompagner les verres et les bastons. Mais nommer une chanson, non, peut-être le numéro 18 dans tel bar du jukebox est super intéressante. Mais non, là, créer une culture autour de ça, non. Baston, c'était comme à l'hôpital. Je me souviens à l'hôpital lorsque t'as tapé les gars là, qui sont venus t'arrêter. Pour piloter le véhicule qui nous mènera d'un lieu à un autre. Mm-hmm. Je regrette de ne pas pouvoir me joindre. Ah, vous ne jouez pas à l'hôpital? Non, j'ai déjà la cadette, l'enseigne. On est des enseignes maintenant. L'enseigne Fuyutsuki m'a invité à me faire visiter son pays. Et venu du Japon? En effet. D'accord. Oh, je prévoyais d'y passer aussi. Je nous garderai en contact pour nous voir si je passe un petit coup de main. Bien entendu. Ça va être un plaisir. J'espère que vous gardez en contact quelques soit de vos assignations aussi. Parfaitement. Quelle demande d'affectation avez-vous fait en cet hiver? Si je n'ai pas indiscret. Opération. Opération? Je postulais pour différentes choses, essentiellement des missions d'exploration. D'accord. Et vous-même? On a choix entre quoi et quoi? Mon premier choix actuellement porterait sur le bureau d'investigation temporelle avec lequel j'ai eu différents contacts. Ça ne promet pas d'être facile, mais je pense avoir suffisamment de bases et d'expérience pour la rate d'un secours d'une certaine utilité. Ce serait une affectation bien particulière. J'espère que vous allez accéder. J'espère aussi, nous verrons bien. Je ne tente rien à rien, comme disent les humains. Ils vont avoir du mal, hein. Yeah. Il y a Jezak et il commence à consommer un petit peu. Qui commence à peine à sourire alors qu'elle n'a pas souri quasiment toute la soirée, à part 2-3 rires sur 2-3 blagues, pince sans rire de ce drac, hein, faut bien le dire. Et une blague qu'elle a entendue sur deux prostituées qui se disputent. Oh là là, in-game, il le fait, quoi. Quelle était cette proposition que vous faisiez au camarade? J'ai une petite mission pour tout le monde, histoire de profiter un petit peu du bayou. C'est les courants par chez moi de se rendre utile et de transporter les besoins d'un point A à un point B, histoire de garder la communauté. Les besoins? L'ego, oh, les humains. Donc, ah, bien, il est besoin. Et, si vous voulez, un petit voyage en voiture de collection, terrien. À quatre roues ? Quatre roues, pétrole. Avec de la musique ? Et du vent. Et des moustiques. Et des moustiques. C'est quoi les moustiques ? Parfait. Je mime aussi. Allez, je fais Zrak en dessin, je mime aussi le. Et Zrak ! Zrak ! Allez, on peut faire un passage par le bayou ? Qu'en penses-tu ? Ça fait partie de la culture humaine, ça, non ? Bien sûr, oui. Ah, oh, super. Ah ouais, ouais, moi ça me va, d'ailleurs. Dans ma tête, je note ironiquement que ça fait partie de la culture, l'apostrophe, à culture. Mais il ne sourit pas, donc il ne partage avec personne. Ah. Je sens comme une pointe d'humour dans mon esprit, si jamais t'es... Je suis toujours en perception, toujours étendue autour, mais là, actuellement, ça s'étend de manière totalement incontrôlée. Donc je sais pas ce que je perçois. Ok. Est-ce que ça peut attendre à demain ? Je vous recontacte pour la date, mais oui, il faudrait... Tu dois une paire de semaines. Oh, c'est une très bonne idée. Je me laisse le choix dans la date. Oh ! J'ai l'affaire. Je vais juste me dire quand est-ce que vous êtes tous disponibles et on y va, quoi. Non, on a une date. Vous êtes disponible aussi ? Je ne sais pas, a priori, puisque je pense que je dois faire le stage d'été. Donc tout dépendra de l'affectation, du début et de la fin du stage d'été. T'as pris quoi comme stage d'été ? J'en sais rien encore, mais sûrement un truc où je vais construire. Bah, techniquement, vous n'êtes pas encore toasté. Donc... Bon, enseigne. Ça a l'air aussi excitant ce que j'ai dû faire, moi, ça. C'était quoi ? Oh, j'ai travaillé pour un prof, comme d'habitude, on fait tout ça, de toute manière, on va tous avec un prof et on va bosser. Vous appelez tous en survie. Les uns les autres. Les stades de survie, c'est du bonheur. Ah non, survie, non, non, c'est bon. Surtout, il y a un prof qui est vraiment bon en survie. Ah, lui, il te tiendra sur tes. Non, non, survie, pas, on va juste faire le minimum. Non. T'as moi, si j'ai pas mon. Ma crêpe hebdomadaire, ça va pas quoi. Donc deux semaines dans ce. Ouais, enfin, t'en parles beaucoup de tes crêpes, mais tu nous as fait des bons petits plats, ça je suis d'accord, mais j'ai toujours pas goûté les crêpes. On fait une après. Ah bah voilà une bonne idée, tiens, bah d'ailleurs, pour la peine. Des galettes d'ailleurs.